Chers amis, recommença là, la surprise de l'an 2000. Toronto et Mbabisoui. Bongo Bofandelela, Mpebo Nobelela. Oyanga lelo na moni babwa kelinga. Babwa kelinga li babe na soto. Depuis na botama na mona. Vraiment, oh yo, comme Hiroshima. Oh yanga lelo na moni babwa kelinga. Babwa kelinga li babe na soto. Depuis na botama na mona misère a boyete. Vraiment, oh yo, comme Hiroshima. Yo kosa kinga, yo robi oke ina busale. On dirait na mona ki bolingo ndo tango Oye ko beta, iro na motema Na tinda ki baninga, banga peba yo Baya ko bondele langa yo, silo yo zonga Na motema mama Et là où tout est fini, tout doit commencer Mundele, l'espoir du peuple congolais. Vraiment, bana va comme il dit.